si, pardon, excuse-moi. J'étais. Ah putain. Du coup, j'ai les effets qui sont. Ouais. J'avais enclenché mes effets, ma boîte à effets. C'est au moment. Ouais, ouais, donc il vient un peu plus tard, désolé. Mais il y a même plus de 10 ou 15 secondes de retard en fait. Thank you. Thank you.

Yeah.

Thank you.